السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تحدثنا أو في آخر درسنا أخذنا غزوة بني مصطلق. Donc là, il y a deux semaines, lors du dernier cours, nous avons parlé de l'expédition appelée Bani Mustaliq, qui est surnommée également Ghazwatu al-Muraisi'a, en référence à un coin d'eau de cette tribu. Et Mustaliq, laqab li rajul. Et Mustaliq, c'est le surnom d'un homme qui se nomme Jazima, ibn Sa'd ibn Amr. Et nous avions cité que ce sont des tribus min Butun Khuza'a. Et nous sommes arrivés à la conversion de, ou à l'histoire de Juwayriya, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrêtés sur certaines de ses qualités et de ses mérites. Alors qu'un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la prière, puis il a tardé jusqu'à la moitié de la journée. En rentrant, il a trouvé Juwayriya radiallahu anha à sa place où elle avait prié. Elle était en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire du dhikr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: mazilti hahuna? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu es toujours là? C'est-à-dire, depuis que je suis parti, tu es à cette place en train de faire du dhikr? Elle lui a dit: oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ala wa'allimuki kalimat law qultiha la wazanatha. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne vais-je pas t'informer ou t'enseigner des paroles? Si tu avais prononcé cette parole, ça aurait été l'équivalent de tout ce que tu as dit dans cette journée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'invocation: subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Naam, il y a plusieurs façons de faire ce dhikr et plusieurs versions. Dans une version trois fois, dans une version tu dis subhanallah adada khalqi, puis tu redis subhanallah, et ainsi de suite. Tout cela nous montre quoi? La grande valeur de Juwayriya, sa piété et sa dévotion, et le fait qu'elle faisait beaucoup de dhikr radiallahu anha. Wa tufiyat sanata khamsin wa qad balagat min umriha sab'ina sana. Et Juwayriya radiallahu anha est décédée en l'an 50 après Al-Hijra, alors qu'elle avait atteint 70 ans. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 20 سنة. Car le prophète صلى الله عليه وسلم l'a épousée alors qu'elle avait 20 ans. Et Marwan ibn al-Hakam, le gouverneur de Medina à l'époque, est celui qui a prié sur elle radiallahu anha. Le père de Juwayriya, donc le chef de sa contrée, de sa tribu, Al-Harith ibn Abi Dirar, aslam. Le père de Juwayriya, par la suite, s'est converti à l'islam. Wa kana sayyida qawmih radiallahu anhu, Al-Harith ibn Abi Dirar. Et wa hasuna islamu. Plusieurs versions ont été citées sur l'histoire de la conversion de Al-Harith ibn Abi Dirar, le père de Juwayriya, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hisham rahimahullah ta'ala dit, bi sirat at-tamrid yuqal, on dit que Al-Harith ibn Abi Dirar est venu à Al-Madina, avec deux de ses enfants et d'autres personnes, en prenant avec lui de nombreux chameaux. en prenant avec lui de nombreux chameaux. Et en chemin, alors qu'il regardait ses chameaux, il a vu la beauté, la grosseur de deux de ses chameaux. Qu'a-t-il donc fait ? Il les a cachés dans un endroit. Qu'a-t-il donc fait ? Il les a cachés dans un endroit. Fi shi' min shi'ab al-aqiq. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit : vous avez pris ma fille et voici ce que j'ai apporté en rançon pour la récupérer et rentrer avec elle. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit : et qu'en est-il des deux chameaux ? Qu'en est-il des deux chameaux que tu as cachés ? Alors Al-Harith ibn Abi Dirar a dit : والذي نفسي بيده لا يعلم ذلك إلا الله. Il a dit : par celui qui détient mon âme dans sa main, لم يطلع على هذا إلا الله. Personne n'a vu cela si ce n'est Allah. يعني en chemin il s'est arrêté, il est parti cacher deux chameaux, il a continué son chemin. Arrive à Medina, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui propose de donner cela pour récupérer sa fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit : wa ayna al-ba'iran, et où sont les deux autres chameaux que tu as cachés dans tel endroit ? Alors Al-Harith ibn Abi Dirar s'est étonné et a dit : ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa wallahi ma tala ala dhalika illallah. Je jure par Allah que personne n'a eu connaissance de cela, personne n'a vu cela si ce n'est Allah. Fa aslama huwa wa ibnahu. Donc il s'est converti, et ainsi que ses deux fils et certaines personnes de son peuple. Thumma qila inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khatabaha li walidiha. Puis il dit qu'il fut dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite l'a demandé en mariage à son père et l'a épousé. Illa anna hadhihi al-qissah dha'ifa. La tasih, si ce n'est que cette version et cette histoire n'est pas authentique. Yanna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam tazawwajaha ba'da islamiha. Na'am, wa lam ya'ti ba'd waliduhu wa lam yuslim ba'd. Na'am, car en effet, comme nous l'avions vu, Juwayriya s'est converti avant cela. Na'am, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousé. Mais walakin thabata islamuhu. ولكن ثبت إسلامه كما عند أحمد رحمه الله تعالى. Donc l'imam Ahmed rapporte la version de sa conversion. C'est que le Harith رحمه الله رضي الله عنه, lorsqu'il est venu à Medina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à l'islam et il a embrassé l'islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à la salat. Il a accepté la salat. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à la zakat. Il a accepté la zakat. Puis il a dit : ya Rasulallah, arji'u ila qawmi fa'ad'uhum ila l'islam wa ajma'u laka zakawatihim. Alors le prophète, alors Al-Harith ibn Abi Dirar a dit au messager d'Allah : laisse-moi retourner dans mon peuple. Et vous avez su que c'était Sayyidu qawmi, c'est le chef de son peuple. Je vais les inviter à l'islam. Et ensuite, je réunirai leur zakat et envoie-moi un messager et je lui remettrai la zakat des gens de mon peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit : fais cela. Si ce n'est qu'en rentrant, après avoir fait cela, le yani rasul ou rasulillah ta'akhkhara. En attendant, Al-Harith n'a pas vu venir le messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manque jamais à sa kalima, ne manque jamais à sa promesse. Alors il a eu peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en colère contre lui, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit en colère contre lui. Qu'a-t-il donc fait ? Il a réuni les gens de son peuple et il leur a raconté sa crainte. Il leur a raconté ses peurs. Puis ils se sont dirigés vers Al-Madina. En chemin, il a rencontré une délégation envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela ? Car en réalité, celui qui avait été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se nomme Al-Walid ou Al-Walid ibn Uqba, en réalité Al-Walid ibn Uqba ne s'est pas rendu jusqu'à Al-Harith. Mais en chemin, il a eu peur, il a fait demi-tour. En chemin, il a eu peur et il a fait demi-tour. Puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, imtana'a min ada'i zakah wa hawala an yaqtulani. Qu'a-t-il dit? Il a fait demi-tour sans aller voir Al-Harith et il a prétendu qu'Al-Harith a refusé de donner la zakat. Plus encore, il a tenté de l'assassiner. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des hommes voir Al-Harith. Al-Harith, lui, en réalité, était yani, dans son peuple et attendait l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ça a tardé, il a eu peur qu'Allah soit en colère contre lui. Il a eu peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit en colère contre lui et qu'il se soit produit quelque chose. Donc il s'est déplacé lui vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, il rencontre un groupe. Il leur dit, où allez-vous? À qui avez-vous été envoyé? Ils lui disent, à toi. Il leur dit, pourquoi cela? Et ils lui ont raconté qu'on a prétendu à son sujet qu'il avait refusé de donner la zakat et qu'il avait tenté de tuer Al-Walid ibn Uqba. Alors il a dit que c'est faux, il a raconté la vraie version et il est parti voir lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, Allah a révélé Suratu Al-Hujurat. Et on trouve dans Suratu Al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahalatin wa antum la tash'urun. Hein? Ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient, vérifiez l'information. Vérifiez l'information de peur de nuire un peuple sans vous rendre compte. Sans vous rendre compte. Si c'est une personne de confiance, de droiture qui vient te donner l'information, tu l'acceptes. Mais si c'est une personne douteuse ou une personne connue pour le mal, non, tu ne donnes pas suite à sa parole. Tu la vérifies. Tu la vérifies. فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. فَتُصْبِحُ نَعَمْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Lors du retour de la bataille de Bani Mustaliq, il y a eu deux événements. Et à leur habitude, Ahlul Nifaq, حَاوَلُوا أَيُفْتِنُوا الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ الصَّادِقِينَ وَإِثَارَةِ الْفِتَنِ. À leur habitude, les gens de l'hypocrisie, al-munafiqoun, les hypocrites, ont tenté de semer la zizanie dans les rangs des croyants. À Ghazwat Bani Mustaliq, un groupe parmi les munafiqoun sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en chemin, ils ont tenté de diviser al-muhajiroun et al-ansar. Wa hadha da'bu al-munafiqin wa ahli al-fitan. التفريقة بين المؤمنين وإثارة الفتن. Donc les hypocrites en chemin ont tenté de diviser le muhajirin et l'ansar et de faire une fitna entre eux. Et ça, c'est l'habitude des hypocrites en tout temps et en toute époque. Essayer de troubler les croyants et de les diviser. Séparer les gouverneurs du peuple, séparer les ulama du peuple et séparer les croyants entre eux. وَهَذِي طَرِيقَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ مَعْضِيَةٌ. Et ça, c'est un concept satanique qui est ancien. C'est un concept satanique qui est ancien à l'image des Sahara يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. À l'image des sorciers qui séparent en faisant du sihr entre l'homme et son épouse. El-Munafiqun ont fait deux choses dans, au retour de cette bataille. Ils ont fait deux choses. La première, c'est celle qu'on vient de citer. Essayer de diviser entre eux, al-muhadiroun et al-ansar, et faire une fitna entre eux. La deuxième, c'est hadithatul ifk. C'est l'histoire de la calomnie qui a été lancée sur notre mère Aïcha, al-siddiqa, al-tahira, radiallahu anha. Quant à la première histoire, Zayd ibn al-Arqam, ou bien Zayd ibn Arqam, ainsi que Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma, radiallahu anhum, nous raconte ce qu'ont fait les hypocrites. Il nous dit donc Zayd radiallahu an kuntu fi Gaza. Dans la version de l'imam Ahmed et d'autres, on voit que c'est Ghazwatu Bani Mustaliq. Fasami'tu Abdallah ibn Ubay ibn Saloum yaqul la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawli wa la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall. Zayd ibn Arqam, qui est un jeune compagnon, sur le chemin du retour, a entendu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Qui est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul? Le chef des hypocrites al-Khabith. Ra'sul Munafiqin. Il a entendu dire quoi? Ne dépensez plus rien pour le messager d'Allah, ou pour ceux qui se trouvent auprès du messager d'Allah, plutôt, jusqu'à ce qu'il s'éloigne de lui. Hein? Et ça, c'est une tariqa min ahli shar. Le fait de ne pas donner aux gens de la vérité pour essayer de les faire s'éloigner des gens de la vérité. Lakinna ahli al-haq yathbutun. Si ce n'est que les gens de la vérité, ils ne marchent pas avec la dounia, elle reste ferme, même si tu lui enlèves l'argent. Tu ne vas pas réussir à le faire dévier et l'emmener dans le mal parce que tu le tiens avec l'argent là. Sahib al-haq, il sait que son risque, il vient d'Allah azza wa jalla. Et que toi, tu n'es qu'une cause pour passer d'une main à une autre. Et avant que tu viennes, il avait son risque. Et après ta mort, s'il reste, il aura son risque. Tant que son âme est dans son corps. Tant que son âme est dans son corps, son risque est là. Garanti par Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alameen. Alors, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a dit cette très mauvaise parole. Ne dépensez pas pour ceux qui se trouvent auprès du messager d'Allah jusqu'à ce qu'ils s'éloignent de son entourage. Et si nous revenons à Médine, le puissant fera sortir le faible. Le plus fort fera sortir le plus faible. Qu'est-ce qu'il entend par le plus fort? Hein? C'est qui est-ce qui est voulu par le plus fort? Lui-même, il parle de lui et de son groupe. Et le par le plus faible, wal'iyadu billah, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein? Wal-Muwahhidin, al-Sadiqin, al-Mu'minin. Donc, selon lui, le plus fort, c'est lui et sa troupe, et le plus faible, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sahaba, les véridiques. Zayd ibn Arqam a entendu cette parole. Alors, يعني ذكرها لعمي, dans le hadith, فذكره لعمي, يعني, il l'a cité à son oncle. Qui est voulu par son oncle dans ce hadith-là? Sayyidul Khazraj, Sa'd ibn Ubadah. C'est pas son vrai oncle. Naam, mais il a dit son oncle. Son oncle, c'est Thabit ibn Qais. L'oncle de Zayd ibn Arqam, c'est Thabit ibn Qais. Mais là, dans le hadith, il a dit d'akartu li ammi. En parlant de Sa'd ibn Ubada. Il a pris cette information et il l'a répété au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd ibn Ubadah est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Zayd, dit qu'il a entendu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul dire Kaita wa Kait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a convoqué lui et ceux qui étaient en sa présence. Ils sont venus et ils ont juré qu'ils n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'on voit min sifat il munafiqin al-affaki al-kadib? Parmi les caractéristiques les plus propres des les plus propres aux hypocrites, istirmal ou kadib, l'ilkhalas min mawqifin harij. Parmi les aptitudes des hypocrites, le fait d'utiliser le mensonge pour se sortir des situations difficiles. Amma sadiqi, ils font comme Ka'b ibn Malik, celui qui a su que rien n'allait le sauver chez Allah Azza wa Jal, si ce n'est al-sidq ma Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a juré que c'est faux. Il a démenti Zayd radiyallahu anhu, qui est véridique, et Allah sait qu'il est véridique. Et vous allez voir la finalité de celui qui est véridique, même lorsqu'on ne le croit pas. Donc lui avec son groupe, et c'est le chef de son groupe, et ils sont nombreux, et lui c'est un jeune tout seul. Zayd radiallahu anhu nous dit فكذبني رسول الله وصدقه. Zayd nous dit un grand malheur et une grande épreuve qui l'a touché. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donc démenti et il l'a cru. Il m'a donc démenti et il l'a cru. فأصابني هم لم يصبني مثله. Zayd a dit, alors j'ai été touché d'une tristesse par laquelle je n'avais jamais été touché auparavant. Le messager d'Allah, le bien-aimé d'Allah, qui ne prend pas mon témoignage, qui rejette ma parole et prend une autre parole, c'est une musiba. Azima jiddan. C'est une musiba. Lorsque tu es proche de quelqu'un, tu lui dis une parole, et ça n'est pas qu'il ne te croit pas, mais il doit vérifier ou bien regarder que les preuves pour être juste, ça te touche. Quand tu sais que tu es véridique, ça te touche. Ça, elle est là. Là, on parle de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il nous dit, فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلَ. J'ai donc été touché par une tristesse par laquelle je n'avais jamais été touché auparavant. فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ. En apparence, on pourrait croire qu'ils sont déjà arrivés à Médine. Ah non, ils sont en chemin. Donc il s'est retiré et il est resté dans son endroit. فَقَالَ لِي عَمِّي. Mon oncle m'a dit, يعني, regarde tout ce que tu as fait, regarde la situation. Regarde la situation. Que s'est-il passé ensuite? فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de cet événement, a révélé sourate al-munafiqine. فَبَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Quand la sourate a été révélée, immédiatement le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé quelqu'un voir Zayd pour lui dire, Allah t'a ماذا صدقك. يعني Allah a certifié tes dires. Allah a dit que tu es véridique. Allahu Akbar. Regardez la finalité, subhanallah, de celui qui est véridique, même si les gens ne prennent pas son témoignage et ne prennent pas sa parole. Si tu es véridique, alladhi yusaddiqu lak ou yusaddiquk, wallah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala. Allah a révélé du Coran pour démentir Abdullah ibn Ubay ibn Salul et l'humilier, lui et son groupe, et pour montrer la véracité d'un jeune parmi As-Sahaba. D'un jeune parmi As-Sahaba. Rawahu al-Bukhari. Et lorsque le prophète sallam voyait Zayd, il disait, هَذَا الَّذِي أَوْفَ اللَّهُ بِأُذُنِهِ نَعَمْ زَكَّهُ هَذِي تَزْكِيَةٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَكَانَتْ هَذِي مَنْقَبَةً لِزَيْد Ibn Arqam radiallahu anhu. Et ceci était par la suite une des grandes qualités par laquelle se distinguait Zayd ibn Arqam. C'est qu'Allah Azza wa Jal l'a rendu véridique d'au-dessus de sept cieux, d'au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, et a révélé suratu al-Munafiqin. Et qu'est-ce qu'on trouve dans suratu al-Munafiqin? يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. الله سبحانه وتعالى a cité les paroles de Abdullah ibn Ubay ibn Salul pour montrer que Zayd ibn Arqam était véridique et pour mettre à sa place humilié Abdullah ibn Ubay ibn Salul. هذه القصة الأولى. Un deuxième événement, et en réalité c'est la cause de ce qu'on vient de raconter, c'est qu'un homme parmi les Muhajirin a mis un coup à un homme parmi les Ansar. Un homme parmi les Muhajirin s'est disputé avec un homme parmi les Ansar. جاء في الحديث أنه كسعه كسع أي ضربه في دبوره وهذه كانت نقيصة عند أهل اليمن وتعرفون أن قبائل الأنصار أصلهم من اليمن. Donc un parmi المهاجرين a mis un coup à un parmi الأنصار. Il lui a mis un coup au postérieur et ceci était une humiliation. Ceci était une humiliation. Il a été dit que le nom du Muhajiri était جهجه ibn Mas'ud. Jahjah ibn Mas'ud. Et que le nom du Ansari, Sinan ibn Wabar. فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما بال دعوة الجاهلية فذكروا له الأمر. Donc, suite au coup reçu, celui des Ansar a dit à moi ou les Ansar, et celui des Muhajirin a dit à moi ou les Muhajirin, et le camp des Muhajirin s'est fait, les Muhajirin, le camp des Ansar s'est fait, et ils se sont disputés. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il a dit: comment osez-vous prononcer le discours des gens de la Jahiliya? C'est ta'assub, le fanatisme. Yani moi je fais partie des Ansar, toi tu fais partie des Muhajirin. Naam, toi tu fais partie de telle couleur, moi de telle couleur, toi de telle ville, moi toi de telle ville, toi de tel pays. Ça c'est haram en islam. Ça c'est haram en islam. Naam, at-ta'assub. Là, dans l'islam, c'est al-wala pour celui qui dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah wa altazama dhalik. Wa altazama dhalik. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en garde contre cet appel au comportement de la période anti-islamique. Puis ils lui ont dit ce qu'il se passait. Un parmi les muhajirin a mis un coup à un parmi les ansar. فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de délaisser ce comportement. Abdullah ibn Ubay ibn Salul وَسَتَعْرِفُونَ يعني بِدِرَاسَةِ السِّيرَةِ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ دَائِمًا يَتَرَبَّصُونَ. Et au fur et à mesure des cours de Sira, on verra que les gens du mal ne font qu'attendre l'occasion de toucher les gens de la vérité d'une manière ou d'une autre. Encore une fois ici, Abdullah ibn Salul, lorsqu'il a entendu cela, il a dit: vraiment ils ont fait ça? C'est-à-dire les gens de Mecca sont venus chez nous, on les a accueillis et ils nous font ça? Donc il a allumé la fitna. Puis à ce moment-là, il a dit: amma wallah, la in raja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'az min al-adl. Donc de cette version on tire la cause de la parole de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Cette parole là est parvenue à Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab a dit au prophète sallam: ya Rasulallah, laisse-moi me débarrasser de lui. Laisse-moi me débarrasser de lui, de cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, afin qu'on ne dise pas que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se débarrasse de ses compagnons. Donc on voit ici que la cause de la parole de Abdullah ibn Ubay ibn Salul fut cette dispute entre un parmi al-Muhajirin et un parmi al-Ansar. Il a donc essayé de faire la fitna entre eux. Ici on voit la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment est-ce qu'il prenait en main les histoires et les affaires de son peuple. Son grand rang, la transmission du Coran, ses expéditions ne l'empêchaient pas de gérer les affaires de son peuple et les problèmes, yani, de société. Ici, une dispute entre deux personnes pourrait paraître insignifiante pour un dirigeant, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait tout en œuvre pour qu'il n'y ait jamais de division chez Sahaba. Pour qu'il n'y ait jamais de division chez Sahaba. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de lever le camp. Et ils ont avancé. Ils ont avancé tout le reste de la journée. La nuit, ils ont continué à avancer. La journée suivante, ils ont continué à avancer jusqu'au coucher, jusqu'à être touchés et tapés par le soleil. Ensuite, ils se sont arrêtés et ils ont dormi directement. Observez ici la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éteindre la fitna et la faire disparaître et ne pas laisser rallumer cette fitna qui que ce soit. Les savants disent: quelle est la sagesse d'avancer à cette allure? Quelle est la sagesse de ne pas marquer de pause? C'est pour ne pas laisser d'occasion à qui que ce soit de reparler du sujet. Hein? Ils ne les laissaient pas penser à la fitna, reparler de la fitna et ainsi de suite. Donc c'est comme cela que doit être al-muslihun wa ahlul ilm wa talabat al-ilm. Lorsqu'il y a une fitna entre les croyants, ils doivent tout faire pour l'éteindre et non pas la propager, la répandre et l'allumer. Non pas la propager, la répandre ou l'allumer. Naam, quand c'est entre eux, Ahlul Iman. Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloum, le fils du chef des hypocrites. Nous avons déjà parlé de lui. C'est un pieux croyant. Son père est la tête des hypocrites. Et lui, c'est un pieux parmi les croyants. Lorsque lui est parvenue la parole de Abdullah ibn Ubay ibn Saloum, son père, qu'a-t-il fait? Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, balarani annaka turidu qatla Abdillah ibn Ubay ibn Saloum. Au messager d'Allah, il m'est parvenu que tu souhaites exécuter Abdullah ibn Ubay ibn Saloum suite à sa parole. Suite à sa parole. Si tu veux vraiment faire cela, famur nibi. Si vraiment tu souhaites faire cela et que cette décision est inéluctable, alors charge-moi de cela. Allahu Akbar. Alors charge-moi moi de cela. Puis il a dit radiallahu anhu, fa ana ahmilu ilayka ra'sa. Subhanallah. Fa wallahi laqad alimt. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني. Écoutez cette parole. Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay, le fils dit, par Allah, certes la tribu de l'Khazraj tout entière a connaissance qu'il n'y a pas un enfant plus pieux envers ses parents que moi. Allahu Akbar. Il n'y en a pas un qui est meilleur avec ses parents que moi, meilleur avec son père que moi. Wa inni akhsha an ta'mura bihi ghayri fayaqtula. Fala tad'uni nafsi anzur ila qatili 'Abdillah ibn Ubay. Yamshi fi an-nas fa aqtula rajulan mu'minan bikafir fa ahlak fi an-nar. Il dit, je crains que si tu ordonnes une autre personne que moi pour cette tâche, par la suite, je croise celui qui aura exécuté Abdullah ibn Ubay ibn Saloum, et que je ne réussisse point à me contenir, alors je me venge pour mon père, mushrik, en exécutant un mu'min. Donc je préfère faire cela moi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bel, ma'za natarafaqu bih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais on le traitera plutôt avec douceur. Wa nahnu nashabuhu ma baqiya ma'ana. On le laissera en notre compagnie tant qu'il restera avec nous. Arrivé à la frontière de Médina, donc au retour du voyage, Abdullah ibn Ubay ibn Saloum, le chef des hypocrites, va pour entrer à Médina. Son fils Abdullah ibn Abdillah arrive et le prend, yani saisit sa monture et l'empêche d'entrer à Médina. Il le bloque à l'entrée de Médina et il ne laisse pas entrer à Médina. Puis le père se plaint aux gens, regardez mon fils, il m'empêche d'entrer à Médina. Et le fils dit, tu n'entreras pas à Médine tant que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne t'aura pas donné la permission. Shatiya Muhammad Salim rahimahullah ta'ala en sharh al-arba'in nawawi ajoute, hatta ya'rifa man al-a'az wa man al-azal. Jusqu'à ce qu'il sache qui est le puissant et qui est le faible. Qui est le puissant et qui est le faible. C'est-à-dire c'est lui le faible. Wa man naha nahwa. Et le puissant, c'est le prophète sallam. Wa atba'u. Cette qissa a été discutée par les savants du hadith. Et dans l'isnad, il y a un inqita'. Il y a ma'adha. La chaîne de transmission n'est pas liée. Donc il y a une faiblesse. Voici la première partie des événements au retour de la bataille de Bani Mustaliq. Le deuxième volet de notre soirée, wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad, et hadithatul ifk, l'histoire de la calomnie qui a été faite à l'encontre de notre mère Aïcha radiallahu anha. Et juste avant cela, il y a eu, yani où, Allah alam, l'ordre des événements, il y a eu un grand vent. Sur le chemin du retour, il y a eu un grand vent. Habbat al-rih. Jabir ibn Abdullah raconte ce hadith, il est dans le recueil des Muslims. Et là, donc, il y a eu un vent très fort. Et les compagnons ont eu peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: بُعِثَتْ هَذِي الرِّيحِ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ. N'ayez pas peur, ce vent-là a été envoyé suite à la mort d'un hypocrite. فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَدِينَةِ إِذَا بِمُنَافِقٍ عَظِيمٍ مِّنْهُمْ قَدْ مَاتْ وَهُوَ رَافِعٍ وَهُوَ رَافِعٍ إِبْنُ تَابُوتٍ مِّنْ رُؤُسِهِمْ وَجَاءَ نَسْمَهُ رِفَاعَةٍ إِبْنِ زَيْدٍ. طيب وقيل زيد يعني اختلفوا في اسم على كل حال ابن رفاعة من بني قينقاع. Donc un des grands hypocrites de Medina est décédé et ce vent en était un signe. Passons à l'histoire de Hadithatul Ifk, la calomnie à l'égard de Aisha radiallahu anha. من المعلوم أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. C'est connu que Aïcha est partie à cette bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, l'imam muslim, nous raconte cette histoire. Et dans le Bukhari, c'est le hadith 4750. Elle nous dit, radiallahu anha, « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idharad an yakhruja aqra'a bayna nisa'i. » Aïcha nous dit, « Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait un voyage, une expédition, il faisait un tirage au sort entre ses femmes pour désigner celle qui l'accompagnerait. فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. Donc, c'est Yanni lors d'une expédition, il a entrepris cela. Et c'est moi que le sort avait désigné. Yanni, c'est elle qui a été choisie. Elle accompagna donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بَعْدَمَا نَزَلَ الحجاب أي الأمر بفرضية الحجاب. Cet événement-là a eu lieu après la révélation de l'obligation faite aux femmes de porter le hijab. De porter le hijab. بعد أن فرغ رجع إلى المدينة وأذن ليلة بالرحيل. Sur le retour de la bataille de Banu Mustaliq, une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le retour, a ordonné que le campement se lève et le retour vers Al-Madina. Elle nous dit فتجهز الناس فلمست يعني فلمست صدري إذا بفقدان قلادتي. Elle a mis sa main sur sa poitrine, elle s'est rendue compte de quoi? Qu'elle avait perdu son collier. En réalité, Aïcha radiallahu anha s'était éloignée pour un besoin. Et sur le retour, elle a mis sa main sur sa poitrine et elle s'est rendue compte que son collier était tombé. De plus, c'était un collier que sa sœur Asma radiallahu anha lui avait prêté. Donc elle est revenue sur ses pas et elle a cherché le collier. Elle a cherché le collier. فذهبت تلتمسه. Donc c'est la cause de son retard. فأقبل الرهط الذي يعني كانوا يحملون هوجده. Et Aïcha et les femmes après l'ordre du hijab étaient portées dans une chose qu'on appelle هودجون. نعم. Donc c'est ماذا, une chose qu'on met sur la monture, sur le chameau, et qui est doté d'un voilage pour cacher, d'un voile pour cacher la femme à l'intérieur de cela. Non, pour cacher la femme à l'intérieur de cela. « Donc les gens qui étaient chargés de ce qu'on appelle son palanquin sont venus pour partir. Et ils ont cru que Aïcha radiallahu anha était à l'intérieur de cela. Ils ont donc porté son palanquin et sont partis. Et elle nous dit radiallahu anha, وفي هذا الوقت كانت النساء خفافا وكنت جارية لم أحمل اللحم. Et elle nous dit, à cette époque les femmes étaient fines et j'étais une jeune fille et je n'avais pas encore pris de poids. Et elle nous dit également qu'à l'époque les femmes mangeaient très peu. À l'époque, les femmes mangeaient très peu. Et elle nous dit, وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِ. Et elle nous dit, j'étais une jeune fille. Alors, quand elle a retrouvé le collier, elle est revenue au camp. Elle a trouvé que le camp était parti. Qu'est-ce qu'elle a fait de par sa grande intelligence de laquelle Allah l'a dotée? Elle s'est dit, je vais rester à ma place. Ainsi, lorsqu'ils vont se rendre compte de mon absence, ils vont revenir me chercher à cet endroit. Alors que beaucoup auraient pu paniquer, beaucoup auraient pu tenter d'aller à droite ou à gauche, mais elle, de par son intelligence, elle est restée à sa place en se disant qu'en s'apercevant de son absence, ils reviendront la chercher au point de départ. Elle s'est donc assise dans cet endroit. Mais, غلبتها النعاس, النوم. Mais le sommeil, elle fut gagnée par le sommeil. Elle nous dit, je m'endormis. فبينما هي جالسة وغلبتها النوم وكان صفوان ابن معطل من وراء الجيش لحقها. Un homme parmi Sahaba qui se prénomme Safwan ibn al-Mu'attal. Safwan ibn al-Mu'attal. Safwan ibn al-Mu'attal était en retrait. Donc, il est arrivé que plus tardivement à la position du camp. En arrivant, il a aperçu une personne. Il est venu et en venant, il s'est rendu compte que c'était Aïcha radiallahu anha, car il la connaissait avant la révélation du hijab. Alors il a dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Cette parole-là, on l'appelle l'istirja'. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah que nous appartenons et vers lui que se fera notre retour. Lorsque Safwan a prononcé ces mots, ça a réveillé Aïcha. Fakhammarat wajhaha bi jilbabiha. Elle a pris son jilbab. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu Safwan, elle a pris son jilbab et elle a couvert son visage. Quelle fut la première réaction de Aïcha radiallahu anha? Hein? C'est la première réaction. Elle s'est couverte. Avec son jilbab. Elle s'est couverte avec son jilbab. Et il la connaissait donc d'avant le verset Mada du hijab, d'avant l'ordre du hijab. Puis, elle nous montre la noblesse de sa foi, sa piété et son l'élévation qu'Allah lui a accordée dans le comportement. Elle nous dit au sujet de sa foi, radiallahu anhu, Wallahi, ma kallamani kalimatan. Elle dit, je jure par Allah qu'il ne m'a pas dit, ne serait-ce qu'une seule parole. Il ne lui a pas dit, mais que fais-tu là? Comment se fait-il que? Pas une parole. Ma kallamani kalimatan. Voilà sami'tu minhu kalimatan, et je n'ai pas entendu de lui une seule parole, ghayr istirja'. Si ce n'est lorsqu'il a dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un, fa anaha rahilata. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre sa monture. Elle est montée sur la monture, puis il s'est mis devant elle et il a dirigé sa monture. Il ne s'est pas mis derrière elle. Il ne lui a pas dit une seule parole. Ta'ziman لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وتكريما لزوجته. Pourquoi il ne lui a pas dit une seule parole? Par pudeur envers le message d'Allah. Il a immensifié le rang de la nubuwa il a grandifié la place de Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a détesté lui parler alors que son époux n'était pas présent. Il a donc avancé et il se mettait devant elle. Et on voit ici donc la grande piété de Safwan ibn Mu'attal radiallahu anhu. La cause du retard de Safwan ibn Mu'attal, c'est que c'était quelqu'un qui avait un sommeil très lourd. C'est une personne qui avait un sommeil très lourd. C'est pour ça qu'il a pris du retard sur le groupe, le bataillon. Et lorsqu'Allah Azzawajal veut un bien pour une personne, il décrète les causes. Il décrète les causes. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils ont rattrapé le bataillon. Lorsque nous arrivâmes ainsi auprès des troupes qui venaient de camper au moment de la canicule de midi. Donc ils ont rattrapé le camp dans un moment de forte chaleur. Aïcha radiallahu anha nous dit ensuite: wa kana alladhi tawalla al-ifk Abdallah ibn Ubay ibn Salam. Aïcha nous dit: des gens m'avaient calomnié, c'est-à-dire en l'accusant d'adultère, wal'iyadu billah. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Abu Bakr, son épouse préférée, la plus savante des femmes de la communauté et du monde, a été accusée de cette parole gravissime. Et qui est-ce qui avait été l'instigateur de toute cette fitna? Encore une fois, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites. Donc il s'était chargé de la plus lourde part de la calomnie. C'est lui qui a forgé ce mensonge. C'est lui qui allait d'assise en assise pour parler de cela. C'est lui qui développait cela. C'est lui qui tentait de faire croire à cela. Donc la tête de la fitna ici, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Donc, vous imaginez cette scène. Ils arrivent, lui devant, elle sur la monture. Et ils entrent, et Abdullah ibn Ubay ibn Salul commence à dire: regardez, qu'est-ce qu'il fait avec elle? Et ce genre de parole. Et ce genre de parole. Puis il va dans une assise, et il lance son venin. Puis il va dans une autre assise, et il lance son venin. Puis il va dans une autre assise, et il lance son venin. Mais, de par le caractère vil de l'état de son cœur et donc de sa langue et donc de ses actions, il s'arrange pour ne jamais dire « je ». Il s'arrange pour dire « on dit, on raconte, vous avez entendu ?» pour que jamais son nom ne sorte. Au cas où une personne répète, il dira « ah non, moi je n'ai pas dit ça. Moi ça m'est parvenu, je voulais savoir, je voulais demander. Non, il m'a mal compris. » Et ce genre de parole-là, ça c'est la tariqa de « al-munafiqin ». À leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Quant à Zayd ibn Arqam, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu de lui? Il a entendu une kalima, il a témoigné de cette kalima. Est-ce que tu dis ça? Oui, je dis cela. Tu l'as entendu? Oui, je l'ai entendu. Hakala, al-mu'min, sadiq. Ensuite, ils sont arrivés à Al-Madina, elle nous dit, maridtu shahran. Elle est tombée malade durant un mois. Arrivée à Al-Madina, elle est tombée malade durant un mois. Et il ne faut pas comprendre qu'elle était au courant de la fitna. Là, elle raconte la fitna. Mais à ce moment-là, elle n'est pas encore au courant de ce qu'on dit d'elle. Elle n'est pas encore au courant des accusations. C'est compris? Donc, ils entrent à Al-Madina et arrivent à Al-Madina, elle tombe malade. Allah a décrété par rahma pour elle. Et subhanallah, il se peut que vous détestiez une chose et qu'il y ait un grand bien dedans. La fitna a duré plus d'un mois. Et elle est tombée malade durant un mois. Donc elle ne sortait pas, elle n'était pas au courant de ce qu'il se passe. Ça c'est une rahma d'Allah pour Aïcha. Afin que qu'au moment où elle découvre la gravité des paroles à son sujet, et le moment du secours d'Allah, il n'y ait pas un non-moment. Ça c'est une rahma de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle. Il se peut que la personne soit malade, elle soit en colère. Il se peut que la personne soit malade, elle y voit du mal. Hein? Mais Allah azza wa jal, alimun hakim. Allah est sage dans son décret et dans ce qu'il fait tabaraka wa ta'ala. Donc elle nous dit, je suis tombée malade durant ou pendant un mois. Et c'est à ce moment-là que les gens répandaient les propos des calomniateurs, sans que je fusse au courant. Mais elle a remarqué juste une seule chose. Dans ce moment-là, elle n'était au courant de rien. Mais il y a une seule chose qui a attiré son attention. Laquelle? Elle nous dit, radiallahu anha, donc elle nous dit, فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ. On est arrivé à Médine, a péri ceux qui ont péri, c'est-à-dire ceux qui ont parlé dans cela. Et celui qui avait la plus grande part est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Puis elle nous dit, radiallahu anha, فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ شَهْرًا. Elle nous dit, elle est tombée malade durant un mois. وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي هَذَا. Et les gens parlaient à ce sujet. وَأَنَا لَا أَعْلَمُ. Elle dit, je n'étais pas au courant de cela. Illa anni la a'rifu lutfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi maradi. Elle me dit, il n'y a qu'une chose qui me paraît, c'est étrange, c'est que je ne trouvais pas la douceur et l'aimabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mon égard lorsque j'étais malade habituellement. Il n'y a que ça qui avait changé. C'est que lorsque j'étais malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très gentil avec moi. Il était très aimable et très doux. Et là, je ne remarquais pas cela de sa part. Elle nous dit, innama kana yadkhulu fayusallim thumma yaqul kayfa taykum ay kayfa halukum kayfa haluha. Une seule chose, il rentrait. Il passait le salam et il demandait de mes nouvelles. C'est tout. Il rentrait, il passait le salam, il disait comment va-t-elle ou comment vas-tu. C'est tout. Et elle ne reconnaissait pas sa douceur qu'elle lui connaissait habituellement. Puis il partait. Elle nous dit, radiallahu anha, lorsqu'elle s'est remise un peu de sa maladie, elle nous dit, kharajtu laylan li qada'i hajatin wa ma'i ummu misbah. Elle dit, une nuit, je suis sortie pour un besoin, accompagnée de Ummu Misfah. Ummu Misfah, radiallahu anha, hiya bint Abi Ruhm, ibn Abdi Manaf. Ummu Misfah, c'est une proche de Abu Bakr. C'est une proche de la famille de Abu Bakr. Sa kunya est Ummu Misfah, et hiya bint Abi Ruhm, ibn Abdi Manaf. Wa Mada, hiya khalatu Abi Bakr. C'est la tante maternelle de Abu Bakr, si je ne me trompe pas. C'est la tante maternelle de Abu Bakr, radiallahu anha. Ils sont donc partis pour un besoin, et sur le chemin du retour, donc à cette époque, il faut comprendre qu'il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'endroit fait pour cela. Donc ils s'éloignaient pour leurs besoins et ils ne faisaient ça que la nuit et ils rentraient et cela jusqu'à l'autre nuit, ainsi de suite. C'était avant que nous eussions des latrines à proximité de nos maisons. Nous suivions la coutume des anciens Arabes qui allaient satisfaire leurs besoins naturels dans des terrains vagues et tout comme eux, nous répugnions à voir les latrines près de nos demeures à cause de leur mauvaise odeur. Ça, c'est dans la version de Muslim. Je partis donc en compagnie de Ummu Misfah, qui était la fille de Abu Ruhm ibn Abdul Muttalib ibn Abd Manaf. Sa mère, Bintu Sakhr ibn Amir, était la tante maternelle de Abu Bakr al-Siddiq. Et son fils était Misfah, Naam. Après avoir satisfait nos besoins, nous revenions. Et proche de la maison, Ummu Misfah, radiallahu anha, a trébucha sur une partie de son vêtement. Donc sur le chemin, atharat Ummu Misfah fi mirtiha, faqala ta'isa Misfah. sur le chemin du retour proche des maisons, Umm Misṭaḥ a trébuché sur son vêtement. En tombant, elle a dit Mada, que périsse Umm Misṭaḥ. Elle parle de qui? Son fils. Que qu'accompagne le mal à tout jamais, que soit accompagné Misṭaḥ par le mal à tout jamais. Quelle fut la réaction de Aïcha? Quelle est la réaction du croyant lorsqu'il entend qu'on parle, qu'on médite sur un croyant? Aïcha radiallahu anha a dit bi'sa ma qult. Elle lui a dit, quelle mauvaise parole as-tu prononcée ici? Awatasubbina rajulan qad shahida badran. Est-ce que tu te permets de parler sur un homme qui a participé à la bataille de Badr? Dites-moi, ici, qui est-ce qui parle à qui? Qui parle à qui? Aïcha parle à Umm Misṭaḥ. Qui est Umm Misṭaḥ pour elle? C'est sa grande tante. Et Umm Misṭaḥ parle de qui? De Misṭaḥ. Qui est Misṭaḥ pour elle? C'est son fils. Donc elle jrah son propre fils pour le haqq. Elle critique son fils pour le haqq. Et elle ne défend pas son fils qui a fauté parce que c'est son fils. Qui est-ce qui défend et qui est-ce qui reprend sur une mauvaise parole? Aïcha, elle reprend qui? Sa grande tante. Elle reprend sa grande tante qui parle de son propre fils. Pour que tu saches que le croyant véridique, il est du côté du haqq. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Wa yata'assab li ahad. Wa la yata'assab li ahad al-mu'min. Il ne fait pas ta'assub. Il ne fait pas le fanatisme, s'accroche, où il défend les gens du faux parce que c'est son ami, parce que c'est son copain, parce que c'est ses parents. Non. Quand c'est haq, tu dis c'est haq. Quand c'est batil, tu dis c'est batil. Avec la sagesse adéquate dans l'utilisation des termes et la préservation du rang de celui auquel tu t'adresses. Alors Aïcha lui a dit, ça m'a coulte. Atasubbina rajulan qad shahida badra. Quelle mauvaise parole prononces-tu ici? Parles-tu ainsi d'un homme? Tu insultes un homme qui a participé à la bataille de Badr? Et là on voit la grande place, comme on le disait tantôt, que les gens de la bataille de Badr avaient une grande valeur dans le cœur des croyants. Alors Umm Misṭaḥ a dit « Hey, Hanta !» Hanta, ça signifie, yani elle lui a dit « Oh, toi, la fille distraite du mal des gens. » Yani Hanta, c'est la personne qui est distraite, yani qui est insouciante devant le mal des gens. Devant le mal des gens. Elle a peu de connaissances du vice et du mal qu'on peut faire à son encontre et ainsi de suite. Donc Umm Misṭaḥ lui a dit, n'es-tu pas au courant de ce qu'il dit? Parce que trois parmi les sahaba sont tombés dans cette fitna. C'est les munafiqoun qui l'ont faite, qui l'ont propagée et qui avaient une mauvaise intention dessus, la nuisance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça leur intention. Quant à ses trois compagnons, à savoir Misṭaḥ, Ibn Uthatha, Hamna Bintu Jahsh, qui est la sœur de Zaynab, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, Misṭaḥ, Hamna Bintu Jahsh et Hassan ibn Thabit. Et Hassan ibn Thabit. Ces trois personnes ont répété la parole des calomniateurs. C'est une faute et ils ne sont pas infaillibles. Un sahabi n'est pas infaillible. Personne n'est infaillible après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ça n'était pas la même intention bien évidemment, ni le même rôle, ni les mêmes agissements. Alors à ce moment-là, Umm Misṭaḥ a informé Aïcha de ce qui se disait sur elle. Ça n'est qu'à ce moment-là qu'elle a su ce qu'on disait à son sujet. Donc elle nous dit, aussitôt elle me raconta ce que disaient les calomniateurs. Je devins alors plus malade quand je rentrais chez moi. Pendant un mois, elle est tombée malade. Puis lorsque ça allait mieux, suite à cette information, elle est tombée malade et plus encore. Elle nous dit, radiallahu anha, donc lorsqu'elle a su la parole des gens de Al-Ifk, Al-Ifk, ça veut dire le grand mensonge. Fazada maradi. Et sans aucun doute, c'est une épreuve incommensurable. Une des choses les plus difficiles pour une femme pieuse, c'est qu'on touche à son honneur dans sa noblesse et sa préservation de sa personne et de sa partie. Subhanallah. Tu dis d'une femme chaste qu'elle a commis le péché c'est la pire chose qu'on puisse mettre sur son dos. Que dire alors s'il s'agit de l'élite parmi les croyantes, la très véridique fille du très véridique, Aïcha. Que dire alors s'il s'agit de la fille de Abu Bakr, le véridique de la communauté? Que dire alors s'il s'agit de l'épouse préférée du meilleur des hommes et messagers, Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam? Elle est innocente. Elle sait qu'elle est innocente. Et elle sait qu'on dit cela dehors et que ça va arriver aux oreilles de son père. Quelle douleur va toucher son père? Elle est innocente. Elle sait qu'elle est innocente. Et elle sait que ses paroles se propagent dehors et qu'ils vont arriver à qui? Aux oreilles de sa mère. Quelle douleur va la toucher? Elle est innocente. Elle sait qu'elle est innocente et que ses paroles se propagent dehors et que ça va arriver aux oreilles du messager d'Allah, son époux, sallallahu alayhi wa sallam. Quel tourment le touchera alors? Donc, هذا ابتلاء عظيم. Et souvenez-vous qu'Allah Azza wa Jal éprouve les gens en fonction de leur foi. Donc la lourdeur de l'épreuve nous montre la grandeur du iman de Aïcha radiallahu anha, la plus savante des femmes radiallahu anha. Donc elle est opprimée dans cette calomnie. لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم كعادته استأذنت منه فقالت رضي الله عنها تأذن لي أن آتي أبوي. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est venu comme à son habitude, il la salua, lui dit « Comment allez-vous ? » Elle lui a dit « Me permets-tu de me rendre chez mes parents ? » « Me permets-tu de me rendre chez mes parents ?» Pourquoi ça ? Elle nous dit radiyallahu anha « Mada ?» Pourquoi ? Pour vérifier, être sûr de cette information. Donc ça, c'est le comportement des croyants. Et Annie, lorsqu'il y a une chose qui te parvient, ne te presse pas. Ne te presse pas de changer de comportement avec les gens qui ont été cités. Ne te presse pas, mais vérifie. Prends du recul dans la fitna. Non, reviens aux gens de confiance. Demande, prends du recul. Demande à Allah de te raffermir pour dire les paroles de vérité. Et dans l'aisance, dans la difficulté, dans la colère et dans la tranquillité. Donc elle nous dit, je voulais à ce moment-là m'assurer auprès d'eux de la nouvelle. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui permet cela. Et ici tu tires isti'dhan al-mar'a li zawjiha 'inda iradati al-khuruj. Hein? Et tu vois ici un des adabs, hein, c'est que la femme hiya tasta'dhin, elle questionne son époux avant d'aller chez ses parents. À plus forte raison pour une autre chose. À plus forte raison pour une autre chose. Et il ne convient pas à l'homme d'empêcher la femme de faire birrul walidayn ou de visiter ses parents de manière, yani comme c'est connu. Comme c'est connu à la fréquence qui est connue. Ensuite, lui, s'il a un besoin particulier, à ce moment-là, on le fera, yani il sera privilégié, sans aucun doute. Elle ne devra pas montrer quelques répulsions ou colère suite à son refus. Naam. Elle est donc venue chez ses parents et a dit, Ya ummata, ô chère mère, ma tahaddatha an-nas. Ô chère mère, que racontent les gens à mon sujet? Ô chère mère, que racontent donc les gens? La mère de Aïcha, c'est Umm Ruman. Umm Ruman, radiallahu anha, lui a dit, Ya bunayya, ô ma chère fille, هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائب إلا أكثرت عليها. Umm Ruman a eu un comportement exemplaire. C'est qu'elle a apaisé sa fille par des paroles sages et convenables dans ce genre de situation. Elle lui a dit, Ya Bunayya. Et là, tu tires le bon comportement qu'avaient les sahaba. Comment est-ce qu'ils appelaient leurs enfants? Hein? Comme dans Qissat Luqman dans le Coran, Ya Bunay, Ya la tushrik billah. Hein? Ya Abati, Ya Bunay, inni ara fil manam. Et ici, tu entends la parole de Umm Ruman, Ya Bunayya, ô ma petite fille. Hada adabun jam. Ça, c'est un bon comportement et une douceur et une miséricorde des parents envers les enfants, de les appeler par des noms affectueux. Naam, de leur donner des surnoms affectueux, wa hakaza. Elle a donc dit, oh ma petite fille, ne t'en fais pas, hawini ala nafsik. Et c'est ainsi que doit être celui qui reçoit une personne éprouvée. Lui dire des paroles qui vont l'apaiser, qui vont la tranquilliser, et non pas développer encore plus la fitna dans son qalb et la tourmenter encore plus et de dimensifier la fitna. Non. Umm Ruman a dit hawini alek. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Puis elle lui a dit, par Allah, il est bien rare qu'une jolie femme aimée de son mari et ayant des co-épouses ne soit pas l'objet de leur commérage. Donc, Umm Ruman a dit à Aïcha, tranquillise-toi. C'est une chose connue. Lorsqu'il y a une fille et qui est aussi charmante que toi et que son mari l'aime et qu'elle a des co-épouses, c'est courant qu'elle parle et qu'il y a des soucis et qu'elle soit tranquille. Elle a voulu par cela la tranquilliser, alors que l'histoire en réalité est bien plus énorme que cela. Quelle fut la réaction de Aïcha? Qalat, subhanallah, awaqad tahaddatha an-nas bihadha. La parole de Aïcha, dhikrullah. Elle s'est sauvée vers qui? Vers Allah Azza wa Jal. Les mots qui sont venus sur sa langue, la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tu sois ainsi, il faut que tu sois une personne connue pour le zikr. Pour qu'en temps de fitna, en temps d'épreuve, ce qui sort sur ta bouche, ce soit zikrullah, il faut que tu sois quelqu'un qui, dans l'aisance des gens, fait beaucoup zikrullah. Et que ton cœur soit rempli de ta'alimullah, de l'amour d'Allah. Et que tu saches que ton secours n'est qu'auprès d'Allah. Donc elle a dit, subhanallah, exempté soit Allah de tout défaut. Alors ils l'ont véritablement dit. Alors ils disent véritablement cela de moi. Elle nous dit, radiallahu anha, fabakitu tilka layla. Elle a dit, j'ai pleuré toute cette nuit. Hatta la yalqa'u laha dam'un. Elle nous dit jusqu'à ce qu'aucune larme n'arrivât à s'arrêter. Yani, ça ne faisait que couler. Et elle nous dit, wala ajidu an-nawm, et je n'arrivais pas à dormir. Donc, elle n'a cessé de pleurer toute cette nuit. Et elle n'a pas goûté au sommeil, ne serait-ce qu'un instant. Suite à cela, la révélation tardait à venir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam da'a Ali ibn Abi Talib wa Usama ibn Zayd yastashiruhuma fi amri ahli ay Aisha fi firaqiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Ali ibn Abi Talib, son cousin, le premier enfant croyant. Et il a convoqué Usama ibn Zayd, son bien-aimé, fils de son bien-aimé. Et il leur a demandé conseil dans cette situation. Qu'est-ce qu'il lui conseille concernant son épouse Aïcha, radiallahu anha, devant la grandeur de cette fitna. Quant à Usama, radiallahu anha, il lui a parlé selon ce qu'il connaît de son innocence. Et il lui a dit, la mahiya ahluk, wa la na'alamu fiha illa khayr. Il lui a dit, c'est ton épouse. On connaît d'elle que le bien. Na'am, on connaît d'elle que le bien. Quant à Ali radiallahu anha, il lui a dit, ya Rasulallah, lam yudayyiq illahu alayk, wa an-nisa siwaha kathir. Quant à Ali ibn Abi Talib, lui a dit, au messager d'Allah, Allah ne t'a pas mis à l'étroit concernant les femmes, et en dehors d'elles, les femmes sont nombreuses. Usama ibn Zayd s'est penché sur ce qu'il connaissait de l'innocence de Aïcha radiallahu anha, en occultant les effets et les répercussions. Ali ibn Abi Talib, lui, s'est penché sur la douleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la nuisance qu'on pourrait faire dans la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette histoire. Donc lui, pour lui, la sagesse était de se séparer de Aïcha pour préserver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en aucun cas que Aïcha a fait quoi que ce soit. Faut bien comprendre cela. Abadan. Naam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cela, Ali a dit, mais malgré ça, salil jahiliya tasduq. Demande à Barira, la servante, elle te dira la vérité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Barira, qu'as-tu vu de Aïcha? Alors Barira radiallahu anha a dit d'elle que le bien. Elle a dit, walladhi nafsi biyadih, ou walladhi arsalaka bilhaq, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Je ne l'ai jamais vu faire une action répréhensible. Je n'ai jamais vu d'elle un mal, si ce n'est qu'étant une toute jeune femme, il lui arrive parfois de s'endormir auprès de la pâte à pain de la famille, la laissant ainsi manger par les animaux domestiques. C'est quoi la faute minime de Aïcha? C'est qu'elle est jeune. Donc des fois, il lui arrive de s'endormir près de la pâte à pain, et les animaux domestiques passent par là, ils en mangent. Vous avez compris ce qu'on appellerait nous la faute de Aïcha? C'est ça la critique qu'on peut dire sur Aïcha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le niveau de critique de Aïcha, c'est celui-ci seulement. C'est un niveau qu'on ne trouverait pas chez un homme au jour d'aujourd'hui. C'est un niveau qu'on ne trouverait pas chez un homme au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un exemple chez les Nisa. Voici les exemples qu'il nous faut suivre. Et voici les exemples qu'il nous faut propager auprès de nos mères et sœurs et tantes, filles, épouses et autres. Radiallahu anha. Puis elle a dit, Amada, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à la mosquée. Et dans une autre version, Barira, radiallahu anha, a dit, Subhanallah, je ne connais d'elle que ce qu'on connaît de l'or le plus pur. Je ne connais d'elle que ce qu'on connaît de l'or le plus pur, c'est-à-dire la pureté. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu tout cela, est parti à la mosquée. Qama ala al-minbar, il est monté sur le minbar. Fasta'adha. Fasta'adha, ay qala man ya'dhuruni. Min rajulin qad balagat adahu ahla bayti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à la mosquée. Il est monté sur le minbar et il a dit au groupe des musulmans, qui me débarrassera d'un homme dont le mal a atteint un niveau tel qu'il a touché les femmes de ma femme. Allahu Akbar. Ils ont tellement fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à parler sur les gens de son foyer. Et ça, c'est lorsque la pudeur sort du cœur de la personne ou que sa foi faiblit. Car l'homme noble, lorsqu'il veut nuire à un homme, on parle des hypocrites ici, lorsqu'il veut nuire à un homme, sa pudeur l'empêche de rentrer dans le sujet des femmes de la famille. La pudeur l'empêche de parler sur les femmes de la famille. Les ulama ont critiqué par exemple les rapporteurs de hadith, et ont critiqué les innovateurs, et ont critiqué les gens de la fitna. Mais ils ne parlent pas des femmes de leur famille, wal'iyadu billah, car le noble ne fait pas cela. Mais Abdullah ibn Ubay ibn Saloum, dépourvu de toute pudeur, ne s'est pas purifié de cette action. Wa anna lahu dhalik. Wa la dhanba ba'da an-nifaq. Fa wallahi ma 'alimtu 'ala ahli bayti illa khayra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, qui m'excusera, qui me débarrassera d'un homme dont le mal a atteint mon épouse? Je jure par Allah que je ne connais que du bien au sujet de mon épouse. Et l'homme dont on parle est un homme, c'est-à-dire Safwan ibn Mu'attal, est un homme duquel je ne sais que du bien. Et il n'est jamais entré chez mon épouse, si ce n'est en ma présence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de son épouse, et a fait les éloges de Safwan ibn Mu'attal, radiallahu anhuma, et a dit, qui est-ce qui va me débarrasser de cet homme qui a dépassé toutes les limites? C'est alors que Sa'd ibn Mu'ad, qui est le chef de la tribu de l'Aws, s'est levé. Qama Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu faqala ya Rasulallah, ana a'adhuruka minhu. Sa'd ibn Mu'ad a dit, moi je vais te débarrasser de lui ya Rasulallah. In kana min al-Aws darabna 'unuqah. S'il fait partie de la tribu de l'Aws, il sera frappé au cou. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj amartana fa fa'alna. Et s'il fait partie de la tribu de nos frères Al-Khazraj, tu nous donnes juste l'ordre et ce sera réglé. Regardez la jalousie de Sa'd ibn Mu'adh pour les femmes de la communauté. Regardez la jalousie de Sa'd ibn Mu'adh pour l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son secours pour Aïcha. Et c'est ainsi qu'on doit être le croyant. lorsqu'une croyante est touchée dans son ird, dans son honneur, yaghdabu lillah, il se met en colère pour Allah tabaraka wa ta'ala, même si c'est pas une femme de son foyer. Yaghdabu lillah subhanahu wa ta'ala. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. Quand Sa'd ibn Ubadah a entendu la parole de Sa'd, qui dit que s'il fait partie de la tribu de Khazraj, dont Sa'd ibn Ubadah est le chef, on le tapera au cou suite à son ordre. Aïcha, avant de raconter la suite, elle nous dit wa kana qabla dhalik rajulan salihan walakin ihtamalathu al-hamiyya. Aïcha radiyallahu anha nous dit, auparavant Sa'd ibn Ubadah, qui était le chef de Khazraj, était un homme vertueux, mais dont le zèle tribal plongeait dans l'ignorance. C'est-à-dire que t'es en train de parler de sa tribu, c'est lui le chef, c'est pour ça qu'il n'a pas pu se retenir et il est tombé dans cette parole-là. Aïcha, avant de raconter ce qu'il a dit, elle nous dit que c'est quelqu'un de bien. Mais là, le zèle tribal lui a fait dire des paroles qu'il n'a pas su retenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa'd ibn Ubadah a dit à Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu anhumah, كذبت لعمر الله. Il a dit tu mens par Allah, dans le sens tu te trompes. لا تقتله. نعم. لا تقتله ولا تقدر على قتله. Il lui a dit tu mens par Allah, tu ne le tueras pas et tu n'en as pas la capacité. Alors, pourquoi déjà cette colère? Les savants citaient plusieurs paroles. Ils ont dit qu'ici Sa'd ibn Ubadah est dans la cise. Sa'd ibn Mu'adh se lève, parle pour les gens de son peuple, dont il est le chef, et il parle pour les gens du Mada, de la tribu de Sa'd ibn Ubadah, en sa présence. C'est comme s'il avait occulté le chef de Al-Khazraj en sa présence. C'est comme si Sa'd ibn Ubadah aurait voulu de Sa'd ibn Mu'adh qu'il dise, quant au Khazraj, voici leur chef, Sa'd ibn Ubadah, dis-lui et il fera. Le fait que de lui-même il ait pris la décision, ça l'a blessé. Non, ça c'est une explication donnée par les ulama. Deuxièmement, c'est comme si la suspicion elle est dans son groupe. C'est comme si la suspicion était jetée sur Al-Khazraj. Quoi qu'il en soit, ils sont tous des vertueux parmi les compagnons. À ce moment-là, suite à la parole de Sa'd ibn Ubadah qui a dit à Sa'd ibn Mu'adh, kadabta al-amrullah, la taqtuluhu wa la taqdir. À ce moment-là, un autre homme s'est levé, un troisième. Et c'est le cousin de Sa'd ibn Mu'adh. Le cousin de Sa'd ibn Mu'adh, qui se nomme Usayd ibn Hudayl, s'est levé. Et c'est donc le Ibn Amr, Sa'd ibn Mu'adh. Faqala li Sa'd ibn Ubadah radiallahu anhum, كذبت لعمر الله لنقتلن وإنك منافق تدافع عن المنافقين. Usayd ibn Hudayr, qui est le cousin de Sa'd ibn Mu'adh, s'est levé et a dit à Sa'd ibn Ubadah, tu mens, ou bien yani tu te trompes, par Allah on va se débarrasser de lui, et toi en réalité t'es un hypocrite et tu débats au sujet des hypocrites. Donc ils ont commencé à se disputer. Ils ont commencé à se disputer. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit concernant ce passage, ces trois personnes qui se sont disputées, tous font partie des gens du paradis et des pieux parmi les compagnons. Et il n'y a pas parmi eux un qui est hypocrite ou un autre. Donc tu comprends que des fois il y a une fitna et l'un dit de l'autre hypocrite et l'un dit de et personne d'entre eux n'a ce qualificatif. Mais ils font tous partie des gens du paradis, et il se peut que la personne prononce une parole suite à un effort de réflexion ou bien autre, il dit c'est un kafir ou c'est un hypocrite ou autre, et en réalité personne n'a ce qualificatif. Donc les deux groupes, Al-Ansar, Al-Aws, ont commencé à s'exciter et sont arrivés à un point où ils allaient se combattre, à un point où ils allaient se combattre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a apaisés, leur a demandé de faire le silence et les a calmés jusqu'à ce que les gens se tuent. الحمد لله وبعد. قالت عائشة رضي الله عنها: فما كث يومي ذلك لا يرقؤ لي دمع ولا أكتحل بنوم. وهكذا خلال يومين. عائشة رضي الله عنها nous dit ensuite: tout ce jour-là, je le passais en larmes et je n'y goûtais aucun instant de sommeil. La nuit suivante, je la passais également dans cet état, à tel point que mes parents crurent que mes larmes me briseraient le cœur. Pendant qu'ils étaient assis auprès de moi, et alors que j'étais encore en larmes, une femme des Ansar demanda de me voir. Je la fis entrer chez moi, elle s'assit et commença à pleurer à son tour. Une femme parmi les Ansar est rentrée chez Aïcha. Elle a pris place avec elle. Et devant la tristesse de Aïcha et ses larmes, elle s'est mise elle aussi à s'associer à sa douleur et à ses larmes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez eux, fatashahat, wa qala amma ba'd. Puis il a dit à Aïcha, fa'innahu balagani anki kada wa kada. Il lui a dit, oh Aïcha, il m'est parvenu à ton sujet telle et telle chose. فَإِن كُنْتِ بَرِيئًا فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ. Si tu es innocente, Allah t'innocentera. وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَتُوبِ إِلَيْهِ أي لست معروفة في الإسراء في الذنوب في العصيان ولكن إن قدر عليك بعض الشيء فَبِالتَّوْبَةِ وَالِسْتِغْفَارِ يَمْحُ اللَّهِ ذَلِكَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu es innocente, Allah t'innocentera. Et si tu as pensé à commettre la moindre faute, alors demande pardon à Allah et repens-toi. Car quand le serviteur reconnaît son péché et se repent, Allah accepte son repentir. فَقَالَ سَدَمَ. Elle nous dit, mes larmes se sont immédiatement arrêtées. Quand elle a entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses larmes se sont arrêtées. Qultu li abi, ya abati, ajib rasulallah. Elle a dit, oh mon cher père, et réponds au messager d'Allah. Faqala wallah, ma adri ma akulu li rasulillah. Abu Bakr a dit, je jure par Allah que je ne sais pas quoi répondre au messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu ya ummi, ajibi rasulallah. Ô chère mère, réponds au messager d'Allah. Faqalat wallahi ma adri ma akulu li rasulillah. Elle a dit, je jure par Allah que je ne sais que répondre au messager d'Allah. Alors Aïcha radiallahu anha nous dit, wa ana jariyatun hadithatus sin, la aqra'u kathiran min al-Qur'an. Elle nous dit, alors que j'étais encore très jeune et que je ne retenais pas beaucoup de Qur'an, j'ai dit, inni wallah, laqad alimtu ma sami'tu. Elle a dit, je jure par Allah que je sais ce que vous avez entendu. Wa anna hadha al-hadith qad istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bih. Je sais ce que vous avez entendu. Et je suis sûr que cette parole s'est ancrée dans vos cœurs au point d'y croire. Aïcha est touchée par ce qu'on lui demande ici et ce qu'on lui dit ici. Wala in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'a. Et si je vous dis ici que je suis innocente alors qu'Allah sait que je suis innocente, la tusaddiqunani. La tusaddiqunani. Vous ne me croirez pas. Bidhalik. Wala in i'taraftu lakum bi amr wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqanni. Et si je reconnais cette chose alors qu'Allah sait que je suis innocente, alors vous y croirez. Si je dis je suis innocente, vous n'allez pas le croire. Et si je dis j'ai commis le péché, vous allez le croire. Alors qu'Allah sait que dans tous les cas, je suis innocente. Wallahi ma ajidu lakum mathalan illa qawla abi Yusuf. C'est-à-dire Yaqub. Dans la fitna, là, pas. Des fois, lorsque la fitna est grande et le traumatisme profond, tu n'arrives pas à te souvenir un nom qui est très proche à la base et connu de tous. Elle a dit, je ne trouve à dire en réponse que la même parole prononcée par le père de Youssouf. Fasabrun jamil. Wallahu al-musta'an ala ma tasifu. Allahu akbar. Ya laha min imra'a. qu'elle, depuis le début, on a entendu deux paroles de Aïcha. Quelle est la première parole qu'elle a prononcée? Subhanallah. Et ici, fasabirum jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Elle a cherché les mots, elle a cherché la solution où? Kalamullah. Kalamullah, عند الفتن. Kalamullah. عند الفتن, tu retiens ta langue. عند الفتن, tu prends du recul. عند الفتن, tu retiens ce bout de chair. Comme l'a fait Aïcha. Alors qu'elle a été accusée, elle est innocente, et son honneur est meilleur que le nôtre, et plus sacré que le nôtre, de par sa grande place, sa piété chez Allah, puis de par sa place dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit donc, j'endurerai de la plus belle façon, et c'est auprès d'Allah qu'on trouve l'aide devant ce que vous dites. Ensuite, elle s'est tournée et elle s'est allongée dans son lit. Et elle s'est allongée dans son lit. وَأَنَا حِينَ إِذْ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي. Elle dit à ce moment-là, je savais que j'étais innocente et qu'Allah m'innocentera. Puis elle nous dit des paroles d'une personne dont la modestie a rempli le cœur. ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. عائشة رضي الله عنها ندي je n'aurais jamais cru qu'Allah ferait descendre à mon sujet de la révélation. Je n'aurais jamais cru qu'Allah ferait descendre à mon sujet du Coran. Il me semblait, yani pour elle, elle dit d'elle-même, que j'étais trop insignifiante pour qu'Allah révèle des versets à mon égard. Elle est dans cette épreuve. Elle ne dit pas, sais-tu qui suis-je? Ne savez-vous pas que... Non, elle revient vers Allah. Et elle se voit insignifiante, trop insignifiante pour qu'on révèle à son sujet du Coran. Puis elle dit, cependant j'avais espéré que l'envoyé d'Allah verrait pendant son sommeil une vision dans laquelle Allah me déclarait innocente. On s'arrête sur ça, on poursuit, on conclut après la salat, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.